eux les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG 90.7 de la bande FM et également sur le net rigfm.fr. Bonne soirée à toutes et à tous, comment allez-vous? Je vais très bien, je suis très heureux de vous retrouver après 3 semaines d'absence et on est reparti pour un nouveau numéro de Johnny de A à Z, le 589e, qui est intitulé ce soir Johnny Revisited. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Johnny a repris de multiples chansons anglo-saxonnes tout au long de sa carrière, notamment les propres chansons de Johnny ont été reprises par d'autres artistes français. Et dans cette émission de ce soir, je vais vous proposer de revisiter certaines chansons de Johnny Hallyday avec l'orchestration de la chanson originale ou celle de la reprise d'un autre artiste avec la voix studio ou live de Johnny Hallyday. C'est très simple, hein. On va commencer tout de suite par le titre Rock'n'Roll Man, un titre chanté par Sylvie Vartan sur son album Shang Lang Lang en 1974. Et la légende dit qu'elle désirait chanter ce titre en premier. Et ce titre était écrit et composé par Mitch Mallory et Tommy Brown. Certes, ce titre s'accorde mieux avec Johnny qui le chantera sur l'album Rock'n'Slow en 1974 aussi. Écoutons ce titre avec la base musicale de Sylvie Vartan et la voix de Johnny Hallyday. Bonne écoute à toutes et à tous! Il est entré sur la scène de ma vie dans le soleil d'un projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai compris l'envie qui dormait dans mon cœur. J'étais un rock'n'roll man. J'étais un rock'n'roll man. Je le savais, je le sentais. J'étais un rock'n'roll man. On l'appelait le King of Rock'n'Roll. Il était devenu l'idole. Quand il chantait, la foule criait son nom et les filles devenaient folles. C'était un rock'n'roll man. C'était un rock'n'roll man. Je l'admirais, je l'admirais. Ce rock'n'roll man. Ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux lorsqu'il chantait. Le rock'n'roll. Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y avait. J'avais laissé la misère de toute une enfance. Des bas-fonds de Memphis, il s'est échappé. Pour lui, c'était la dernière chance. Il est un rock'n'roll man. Il est un rock'n'roll man. Et il chantait, il chantait. Le rock'n'roll. Ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux lorsqu'il chantait. Le rock'n'roll. Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y avait son nom. Et rock'n'roll. Il m'a donné l'envie d'être ce que je suis.

En 1978, Didier Barbelivien écrit « Elle m'oublie » pour Johnny Hallyday. De manière surprenante, Barbelivien ne rencontrera Johnny que 3 mois après l'enregistrement de l'album « Solitude à deux ». Et en 2001, Didier Barbelivien enregistre sa propre version sur son album « Les années 70 ». Et donc, j'ai repris pour l'occasion la version instrumentale de Didier Barbelivien et la voix de 1978 de Johnny Hallyday. Le prochain titre, c'est le titre « Je te ferai danser » qui est une reprise d'un titre écrit par Keith Six, Just Wanna Dance, chanté par Ronnie Crowell en 1981 sur son album éponyme. Voici le titre « L'envie » repris par David Hallyday sur son dernier album et lors de sa tournée « Requiem pour un fou » et là en version live, la voix du père, Bercy 87. Qu'on me donne l'obscurité, dit la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif. Ils un festin, qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié et puis les merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on m'allume la vie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime la boue, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Oui, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie, et oublié les rêves et les vertus, toutes ces choses qui avaient appelé, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. L'envie, Johnny Hallyday, la voix de Johnny Hallyday de 1987 à Bercy, et puis la version live de son fils David qui vient de reprendre cette tournée qui justement ce soir est au Dôme de Paris ce mercredi 12 novembre. Le titre suivant, c'est Sweet Loving Mama, écrit par Johnny Guitar Watson. Il est notamment l'auteur de Cutting In, hein, excuse-moi, partenaire. Alors écoutons la voix de Johnny sur le titre Pour moi tu es la seule, sur la musique de l'original. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville, et jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il en existe pas, car pour moi tu es la seule. La seule. Yeah, yeah. Ta façon, oui, de m'embrasser, c'est me troubler. Façon, oui, de m'embrasser me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Alors pour moi, tu es la seule. T'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Te voir les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie, car pour moi tu es la seule, vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Pour moi tu es la seule, car pour moi tu es la seule.

Brian Cadd, il est un auteur, compositeur, interprète, claviériste, producteur et fondateur d'une maison de disques australien. Il joua au clavier auprès de Johnny pendant la tournée d'hiver de 1981 avec Knight Rider Band. En 1978, sort son album Yesterday Dreams. Son titre sera adapté par Misha Mallory pour Hallyday en 1981 sur l'album Pas Facile sous le titre qu'on vient d'écouter C'est Pas Facile. Et Bonnie Tyler reprit ce titre au milieu de son album It's a Heartache en 1978 également. Et vous écoutez ce soir l'émission Johnny de A à Z avec pour ce soir le thème Johnny Revisited, Johnny Revisité. On va prendre donc des versions originales ou des reprises de chansons de Johnny Hallyday. On récupère uniquement la bande sonore et je mets la voix de Johnny par-dessus. C'est le cas de ce titre-là, du prochain, qui est La fille à qui je pense, qui est une chanson originale de 1966 de Johnny sur l'album La génération perdue. Et cette chanson a été reprise par Miossec en 1995 sur l'album Boire. Voici la version avec l'instrumental de Miossec et la voix de Johnny Hallyday. S'il fallait te raconter ma vie, on resterait là toute la nuit. Car pour quelques sourires alors, moi j'en ai connu des temps morts. Et malgré l'amour que tu me donnes, tu n'en feras jamais assez, car c'est l'alcool, lui, qui me donne les plus beaux rêves que je fais. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense est plus belle que toi. Je sais bien qu'autour de moi on dit que de jour en jour je me détruis. Sans l'amour qu'elle m'avait donné, ça ne me sert à rien d'exister. Chaque fois ton cœur, lui, me pardonne. Mes amis viennent me consoler, mais c'est l'alcool, lui, qui me donne les plus beaux rêves que je fais. Et dans ce moment-là, la fille à qui je pense est plus belle que toi. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense est plus belle que toi. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense est plus belle que toi. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Écoutons Johnny Hallyday en 1900. Ça, c'est la bonne question, ça. Oui, oui. Gabriel a traversé 5 décennies. Ce titre fut repris à tous les concerts de Johnny Hallyday depuis 1976. Écoutons la voix de Johnny Hallyday à travers les années sur l'orchestration live de 1979. Écoutons Johnny Hallyday en 76, 79, 82, 90, 95, 98, 2000, 2015. Hey, on est tout le monde tapé dans vos mains. Hey, tout le monde tapé dans vos mains. Je vais vous parler d'une fille que vous connaissez tous très, très, très, très bien. Hey, hey, hey! d'une certaine fille qui a troublé ma raison. Et elle a volé mon cœur. D'ailleurs, cette fille, vous la connaissez très bien. Vous voyez qui je veux dire ? Vous voyez qui je veux dire ? Elle vous ! Où êtes-vous là-bas ? Vous voyez qui je veux dire ? Ah oh, oui. Bah alors, dites-moi son nom ! Dites-moi son nom ! Timide ce soir, je ne vous entends pas. Ah bon, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Entendre la vie et ne plus me souffler sur tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne peux plus voir mon image dans tes yeux. Ils ont des chaînes sans voir le jour. C'était ma peine fatale de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut partager. J'ai refusé. Oh, Gabriel, tu peux te donner mon cœur, mais c'est une illusion de douceur. Rétuchant, c'est la bonne enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Moi, je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, tu tournes le dos, tu t'empires. Oh, sais-tu vraiment ce que tu me fais? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Vivant de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et vous le sens à celui qui veut la place. J'ai refusé. Oui, j'ai refusé. Johnny Hallyday, au fil des années, avec ce titre Gabriel, qui ont passé par 76, 79, 82, 90, 95, 98, 2000, 2015. Je fais tout ça de tête, et puis je dis à Thierry en même temps, tiens, c'est ça, c'est telle année, telle année, telle année. Le prochain titre qu'on va retrouver, ce sera Diego Libre dans sa tête. On retrouve le nouvel arrangement de David Hallyday sur son album Requiem pour un fou, avec la voix de son père à Bercy en 1990. Derrière des barreaux, ou quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort force de l'ombre. Où t'en vas-tu lorsque vient le jour? Ma mère m'avait dit: ne la suis pas, elle porte malheur. Maraya, princesse de la nuit, viens-tu d'un rêve ou de ma folie? Deux oiseaux qui dansent, ce sont tes mains gantées de noir. Maraya est un titre écrit par le groupe Spooky Tooth en 1973. J'ai repris l'instrumental de ce titre en enlevant quelques mesures de batterie et j'ai ajouté la voix de Johnny de 1973, extrait de l'album Insolitude. Pour le prochain titre de ce, on va dire, de ce Johnny Revisited, de ce Johnny Revisité, on va parler du groupe, de la chanson My Way of Giving, qui est un titre du groupe Small Faces, et Johnny la reprend sur l'album Johnny Swanset sous le titre Je n'ai rien demandé. Rod Stewart, ayant fait partie du groupe, rebaptisé Faces, adapte ce titre, version rock progressif, sur son album de 1971, Gasoline LA. Et c'est avec cette version rock qu'on écoute la voix de Johnny Hallyday. Que je suis, pourquoi voudriez-vous que je change aujourd'hui? Mon cœur est trop sec, vous me l'avez dit. J'ai toujours tenu l'amour en échec. Tant mieux si je ne dois jamais. Rien demander.

J'ai traversé le feu de l'apocalypse et du néant. La terre sur mes pieds, je suis encore vivant. Je suis le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Je suis prêt à vivre et tuer pour survivre. Tu es le survivant. Ah, tu es le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Étranglé, étouffé par les larmes froides de l'asphyxie. Oui, j'ai vécu sans amour, caché dans les bras de la folie. Poursuivi par la mort, entraînant le char des condamnés. Écrasant les corps de ceux qui sont tombés. C'est le survivant. C'est le survivant. Yeah, c'est le survivant. C'est le survivant. Je suis le survivant. Je suis prêt à vivre et tu es pour survivre. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. En cachant mon sang aux ombres affamées, je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis prêt à vivre et tuer pour survivre. Tu es le survivant. Je suis le survivant. Tu es le survivant. Je suis le survivant. J'adore cette version métal de ce titre, Le Survivant. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Dis-lui que j'en rêve, dis-lui que j'en rêve, jour et nuit sans trêve, c'est dur de la quitter. Ami, j'ai l'âme en peine, dis-lui combien je l'aime, mais quoi qu'il advienne, je dois m'en aller. Dis-lui que j'en rêve, dis-lui que j'en rêve, mon bonheur s'achève, pourtant je reviendrai. Au loin le clairon sonne, et son regard s'étonne, lorsque je l'abandonne, j'en ai le cœur brisé. Dis-lui que j'en rêve, dis-lui que j'en rêve, jour et nuit sans trêve, et maintenant je sais. Ami, combien je l'aime, car j'ai le cœur en peine, et qu'elle se souvienne, un jour je reviendrai. Quand le clairon, clairon sonne, quand le clairon, clairon sonne, qu'elle me pardonne, si je dois m'en aller. Ah, dis-lui que j'en rêve, dis-lui que j'en rêve, jour et nuit sans trêve, c'est dur de la quitter avec moi. Dis-lui que j'en rêve, dis-lui que j'en rêve, jour et nuit sans trêve, et que je reviendrai. Yeah! L'air traditionnel Jailer Bring Me Water fut adapté par Bobby Darin mais popularisé par Trini Lopez avec une ambiance surf. Et c'est avec la version de ce dernier que nous écoutons, que nous avons écouté ce nouveau mixage du titre Dis-lui que j'en rêve. Maintenant, on va écouter un titre live, John Hayden en live. Johnny n'a jamais enregistré de manière officielle la version anglaise ni française de Comme d'habitude. Il a interprété de façon ponctuelle lors de passages radio en 1982, lors de la grande parade de RTL et Show les cœurs sur RMC. Voici un mixage de ces deux passages radio avec l'orchestration de My Way du King Elvis Presley. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny chante My Way. I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll stay my case, of which I'm certain. I've lived and lived that fool. I travel each and every way and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so were true without exception. I planned each shattered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yeah, there was time, I'm sure you knew, when I beat for more than I could chew. Johnny Hallyday, reprise de My Way sur l'orchestration de My Way de Elvis Presley. Et le thème de cette soirée, c'est Johnny revisité, c'est-à-dire qu'on prend des versions instrumentales des originaux ou à la rigueur de reprises d'autres chanteurs qui ont repris des titres originaux de Johnny Hallyday. Vous voyez ce que je veux dire, hein, n'est-ce pas? Et on récupère leur partie instrumentale et on y appose dessus la voix de Johnny Hallyday. Et pour le titre suivant, c'est qu'on va prendre à présent l'instrumental du titre Crying Shame de Greg Allman en 1977, extrait de son album Playing Up a Storm, et la voix de Johnny du titre Tout m'enchaîne de 1979, extrait de l'album Hollywood. Oh, l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Donne-moi, donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Empêche-moi de me détruire. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi, donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. J'ai besoin que tu m'aies sur moi. Viens de ton souffle et de ta voix, de tes joies, de tes plaintes, de tes cris ou de tes craintes. Derrière l'amour, avec la version instrumentale de la reprise de son fils David Hallyday avec la voix de Johnny au Stade de France en 1998. Voici à présent un mash-up, deux chansons avec les mêmes accords. On récupère la voix de l'une, un cri par exemple, hein, et la chanson et la musique de l'autre, de l'amour, et on crée une nouvelle version ou chanson qui s'intitule maintenant Un cri d'amour. Vous avez compris ? Vous écoutez ça tout de suite sur le thème de RIG dans l'émission Johnny de Hazel. Pas même une bonne étoile, un nom qui trace une ligne d'orgueil. et lui prendre des coups, éviter des balles, oublier comme on floue les cercueils. J'ai goûté la violence, oui, bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je le suis d'un cri. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je le suis d'un cri. Peuplé d'amis dès grand soir, Marlon, James Dean et Dennis au comptoir, qui me tendait un verre rempli d'espoir. J'ai goûté la violence, oui, bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Je ne suis qu'un cri. Johnny en live avec le titre Que je t'aime. Ce titre a couvert également plusieurs décennies en concert, prenant l'instrumental de 2000 et mixant les quatre couplets et refrains de cette chanson. Et la voix de Johnny, on va retrouver la voix de Johnny en 1971, 1987, 1998 et 2015. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes déformées, oui, des îles que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, la seule coupe n'est plus pure, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, et tout est. Je sens plus chatte et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup, oui, tu brises enfin tes chaînes. Dans ton premier soupir, tu finis dans un cri. Pensez-moi qui dis non. Je t'aime, que je t'aime. Dans mon cœur, sur ton cœur, lourd comme un cheval meurt. Ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, que comme d'autres font la guerre. Quand c'est moi le soldat qui fait et qui la fait. Oh Michel. Oh que je t'aime. Que je t'aime. Je t'aime. Le petit mix avec quatre voix de Johnny Hallyday à différentes périodes sur le titre Que je t'aime. À présent, nous allons écouter le titre J'ai pleuré sur ma guitare. Ah ben, c'était très simple. Hein. On a pris la voix de Johnny Hallyday, du moins j'ai pris la voix de Johnny Hallyday de 1974 et je l'ai mise sur la version instrumentale studio de Elvis Presley de la même année sur le titre Loving Arms. Si tu reviens un jour, marche sur les traces de notre amour. Tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi. Son cœur à l'abandon et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, guettant ta voix dans la voix du vent. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. Et je ne sais même pas où va ce train. I'm gonna sit the right down and try for you. I'm gonna sit the right down and try over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit the right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit the right down and cry. Tell my mama, tell my papa too, so they'll know exactly what I'm gonna do. Ooh, if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna say the right door and go ahead for you. All right. I'm gonna see the right down and cry over you avec la voix de John Hayday à Bercy en 1995 avec l'adaptation de Chris Isaak sur son album de reprise Beyond the Sun en 2011. À présent, on va écouter le titre J'ai oublié de vivre. On va vous mettre la voix de John Hayday de 1977 et avec la nouvelle version de David Hayday sur l'album Requiem Point Fou. C'est la version instrumentale de cet album de David Hayday qu'on écoute avec la voix de son père. De briser dans mes mains les guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de briser dans mes mains des guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres, à force d'oublier qu'il y a la société m'arrachant du sommeil pour me faire chanter, à force de courir sur les routes du monde pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde, à force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va écouter Johnny Hallyday en live avec le titre Pour exister. Ce titre écrit par Patrick Bruel pour Johnny Hallyday sur l'album Ça ne change pas un homme en 1991 ne verra jamais la scène, sauf pour Patrick Bruel lors de sa tournée en 1995. Voici la création du faux live de ce titre. On prend la version instrumentale de Patrick Bruel et j'y mets la voix studio de Johnny Hallyday avec un peu d'écho. Oui. À regarder en arrière, à voir passer des gens au regard éphémère. J'ai passé tellement de nuits à courir derrière tout, à courir vers ma vie pour ne pas devenir fou, à croiser des destins faits de haine et d'ennui, larmes versées pour rien au milieu de mes nuits. J'ai peut-être joué ma vie sous de drôles de lumière, mais j'ai toujours pensé que le plus beau reste à faire. À comprendre quand on ne me disait rien, obligé de me défendre quand tout allait trop loin. Il m'a fallu tomber que si haut quelquefois pour savoir que les autres ne savent pas pourquoi. On a tout dit sur moi, même des vérités. J'ai défié toutes leurs lois, mais je n'ai pu éviter ces sourires qui allaient souvent jusqu'à faire peur, mais qui ont fait de moi le plus fou des acteurs. Pour exister, J'ai passé tellement d'heures à me demander pourquoi mes plus belles erreurs étaient toujours pour toi. Je vois bien dans tes yeux, tu es déjà parti, tu ne m'écoutes plus. Je continue ma vie pour exister. Pour exister, pour exister, pour exister. Deux premières chansons, ce n'est pas moi qui les ai faites, qui les ai créées du moins, mais c'est Yvan Cassard en 2001 sur l'album Acte 2. Deux titres à propos de mon père et je la croise tous les matins. Version acoustique. Je l'ai inventé tout entier. Fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand, le seul en qui j'aurais cru. Oui, ce père que je n'ai jamais eu. Il m'a donné un nom, il m'a donné la vie. Si je ne sais pas qui, je garderai la part du rêve. J'en referai toute ma vie. N'en parlez pas, n'y touchez pas. Connaissez pas. Il n'y a qu'en moi qui l'ai vécu. Oui, ce père que je n'ai jamais eu. Il est parti vers un horizon, vers l'oubli. Sa vie. Il était mon premier secret et je disais qu'il existait. Et j'ai menti tant que j'ai pu pour ce père que je n'ai pas eu. Pour ce père que je n'ai pas eu. Pour ce père que je n'ai pas eu. La croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train et moi je rentre. Elle commence sa journée toujours à l'heure. Moi la lumière me fait peur. Elle a cette assurance inaccessible de ce qu'ont de la chance de naissance. Elle est belle comme les filles du jour, comme celles qui n'ont rien à cacher. J'attends toujours avant de rentrer, mais juste pour la regarder. À la voir, on devine des enfants coiffés, un homme l'auteur du café. La vie qu'on imagine avant de plonger, celle que je n'aurai jamais. Et moi je me sens misérable. Je rentre. À propos de mon père, et je la croise tous les matins, deux versions revisitées en acoustique par Yvan Cassar en 2021 sur l'album Acte 2. À présent, on va parler du bon temps du rock'n'roll, un classique du répertoire de John Hallyday, adapté du titre Old Time Rock'n'Roll de Bob Seger. Revisitons ce morceau, rock, avec l'instrumental de l'original Old Time Rock'n'Roll et la voix de John Hallyday de 1979. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole, tout comme en bon vieux temps du rock'n'roll. J'ai une indigestion de disco et tous ces crooners qui me tapent sur les nerfs. Et le rétro, j'en ai vraiment ras le bol. Je préfère le bon temps du rock'n'roll. Qui soit folle, depuis toujours entre nous deux, ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock'n'roll. J'aime la musique quand elle roule des épaules, tout comme mon bon vieux temps du rock'n'roll. Pour une fois je suis resté fidèle, plus longtemps que pour la fille la plus belle. Le feeling ne s'apprend pas dans les écoles. Où est le bon vieux temps du rock'n'roll? Je préfère le bon temps du rock'n'roll. C'est la seule musique qui soit folle. Depuis toujours entre nous deux, ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock'n'roll. Wow! Je préfère le bon temps du rock'n'roll. C'est la seule musique qui soit folle. Depuis toujours entre nous. Depuis toujours entre nous deux, ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock'n'roll. Je préfère le bon temps du rock'n'roll. C'est la seule musique qui soit folle. Depuis toujours entre nous deux, ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock'n'roll. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retour de Johnny Hallyday sur la musique de son fils David Hallyday, Mirador. Version live de David Hallyday. Et également la version live de Johnny Hallyday à Bercy en 1990. C'est la nuit dans le quartier des fous. Les matons ont tiré les verrous sur des tueurs, des voleurs de cachou, des flambeurs, des tatoués, des loulous. La liberté, faut la payer. En ton enterre nos corps, le Mirador. Et la liberté. Promène nos corps sous le Mirador. C'est la nuit, mais c'est pas le Pérou. Il y a des prisons, un ciel ouvert partout. Il n'y a pas d'école pour apprendre à aimer. Il y a des écoles pour apprendre à tuer. La liberté, faut la payer. Quand on enterre nos corps sous le Mirador, la liberté. La peine ici, c'est bien fini. Le cœur se passe en bruit. C'est pas le Pérou, mais faut rêver. Quand on promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit dans le quartier des fous. Les matons ont tiré les verrous. C'est pas le Pérou. On promène nos corps sous le mirado. Et la liberté, faut la payer. Quand on enterre nos corps sous le mirado. Sous le mirado. Mirador, le titre composé par David Hallyday pour l'album de 89 Cadillac sur des paroles d'Étienne de Rodagile. David d'ailleurs a repris ce titre sur son album Rockin' Heart en 1990 et vous avez pu écouter donc la nouvelle version de David sur l'album Live Requiem pour un fou et la voix de son père à Bercy en 1990. À présent, allons dans les années 60 et on va écouter Johnny Hallyday chanter « Je veux te graver dans ma vie ». On va écouter la voix de Johnny de 1966 sur la version originelle des Beatles extraite de l'album Revolver, Got to Get You Into My Life. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh. Et comme ça, je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Ouh, tu es né pour être à moi, ouh. Et j'espère que tu y crois, nous serons ensemble chaque jour. Je veux te graver dans ma vie. J'aimais partir, j'aimais courir, mais quand tu viens, je veux rester là. Je suis sincère, je veux mourir si tu ne veux pas croire à tout ça. Ouh, tu es né pour être à moi. Ouh, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je veux te graver dans ma vie. Soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je suis resté à à chaque instant de ma pauvre vie. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Version live de ce titre de 1971, Oh ma jolie Sahara, revisité par David pour son album Requiem pour un fou et la voix de Juna Hédé au Stade de France en 1998. C'est le dernier titre de la soirée de ce Johnny revisité. Oh, ma jolie Sahara. Oui, combien de temps encore? Oh, oh, oh, ma jolie Sahara. Où attendrai-je ton tour? Si tu crois que je vais dépenser mes nuances, si tu crois que je suis un noyau sur ta porte, c'est tout casse, c'est tout casse, c'est tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Hey, hey, quand tu n'auras plus rien, oh non plus rien. Oh, oh ma pauvre Sahara. Ça grandit le brouillard. Et je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Hey, hey, c'est déjà la fin. C'est affreux, déplaisant, appelant, désolant. Comme nous sommes tous victimes du temps. c'est la cette émission Johnny de A à Z avec Johnny a été revisité, Johnny a été revisited avec des versions instrumentales aussi bien des originaux que des reprises de chansons de Johnny Hallyday. Et on a apposé la voix de Johnny Hallyday à différentes périodes. J'espère que cette émission vous aura plu, car peut-être une prochaine édition de ce genre-là. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny Hallyday ici sur RIG 90.7. Bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao.